Encore cette année, CKRL nous présente le lundi 31 décembre 2012, 16h, au mardi 1er janvier 2013, 6h, adieu 2012, salut 2013. Au menu, une brochette explosive avec des personnages épicés, une bande sonore relevée et un animateur garni d'une sauce d'improvisation, tout ça saupoudré d'une absurdité prête à emporter. Car sur CKRL, le 89.1 à Québec, le lundi 31 décembre, dès 16h, c'est buffet de folie à volonté. Les gars, prépare le punch. Ouch! Pas celui-là.